Chapitre 36 À bout de souffle. La finale du Mondial 2050 va donc débuter et nous aurons un match exceptionnel, c'est sûr. Tout est géant lors de ce match. On voit que la ISF a mis les petits plats dans les grands. Le but est de marquer les esprits. Et c'est réussi. Le vrai public chante, mais ils ne savent pas pour qui être. Les habitants de Mars sont en majorité américains ou encore russes. Le Saucer n'est pas très apprécié sur Mars, et surtout par ses habitants. Délocaliser cette finale sur la planète rouge est une grosse opération de communication. Mais les spectateurs venus ce soir se sont renseignés et semblent acquis à la cause des Bleus. Le concept de David et Goliath a toujours plu. L'histoire de la petite France serait magnifique si elle se terminait par le sacre mondial ce soir. Le bruit dans le stade se fait de plus en plus énorme et les Français sont poussés par le public. Les hologrammes se contentent de suivre la rencontre sans un bruit. Côté français, il n'est pas prévu de diffuser ce match sur France Télévisions 1, c'est donc en plateau qu'il sera suivi. Le média français a tout de même un envoyé spécial, ou spatial, qui donne ses impressions sur le match. Sur le plateau, nous avons des invités de prestige. Zinedine Zidane, Fabien Barthez ou encore Franck Ribéry. Ils ont entre 80 et 70 ans, mais respirent encore football. Seules les grandes actions sont diffusées par le média français et tout cela est commenté par les invités et surtout les médias sociaux. Les seuls Français qui auront le privilège de voir l'intégralité du match sont les sélectionneurs ayant le forfait VIP. Les droits TV en France sur le football vont peut-être être boostés après cette Coupe du Monde. Mais heureusement, le streaming existe toujours. La rencontre est encore une fois équilibrée. L'attaquant, pour gagner 0-2, a l'air d'être monté sur des ressorts, il est à l'affût de chaque ballon aérien, mais bute toujours devant un très bon gardien chinois. Les adversaires se font discrets, mais nous connaissons leur technique. Ils épuisent les attaquants adverses, qui se replient vers les milieux et défenseurs. Le ballon est donc contenu dans le camp français, et c'est à ce moment que les Chinois décident de passer à l'offensive. La fougue française n'arrange rien car ils veulent marquer rapidement, au détriment de la condition physique. Les Bleus ne sont plus habitués aux grandes rencontres et n'ont pas compris qu'il faut s'économiser. L'environnement du dôme est climatisé terrien, mais on sent quand même que nous sommes en dehors de la planète bleue. L'essoufflement arrive facilement. La France use ses forces pour mener hâtivement, en vain. La fin de première période est difficile pour les Bleus, à l'image de Nabir 69, qui a ses premières crampes après 40 minutes. La deuxième mi-temps va être dure à supporter, car les Français ont déjà tout donné et leurs adversaires n'ont encore rien montré. La stratégie française n'est pas certainement la meilleure et les réseaux sociaux le font savoir. La mi-temps est sifflée sur le score de 0-0. Chapitre 37 Cinq ans plus tard. Pendant que les joueurs reprennent des forces, la eSports Fédération souhaite faire une animation pour divertir le public pendant la mi-temps. Ils veulent montrer un aperçu de ce que seront les EA Games en 2055. On voit alors la représentation holographique d'un athlète nommé Carl, en hommage à Carl Lewis. Il court à toute vitesse pour rejoindre un parquet de basketball. Il se transforme en Michael Jordan, pour dribbler ses cinq adversaires et adresser un énorme dunk. Le panier de basket explose, les éclats de glace tombent au sol et forment un parterre glacé sous le regard curieux du public. L'athlète se convertit en Wayne Gretzky, célèbre joueur de hockey sur glace. Il adresse un énorme coup de crosse sur le palais, ça part tout droit vers le but et fait craquer les filets. Ceux-ci partent dans tous les sens et entourent le terrain. Ça nous donne un énorme ring. Wayne se mue en Wanderlei Silva pour combattre un personnage mystère. Il le met KO avec un énorme coup de poing. Les dents de son adversaire tombent au sol. Une de celles-ci se transforme en balle de golf. On voit alors Tiger Woods avec son club de golf comme s'il venait de taper cette balle. ça traverse tout un terrain de football américain, et Jim Brown, célèbre footballeur américain, attrape le ballon pour faire un touchdown. Le public se lève et applaudit. Mais ce n'est pas fini. Durant sa célébration, le footballeur américain se transforme en membre du commando d'élite. Le ballon se transforme en M16. Il vise alors une cible de très loin. La balle se déplace à une vitesse hallucinante. La caméra fait un zoom sur la balle et on voit qu'il s'agit d'une voiture de Formule 1 dirigée par Ayrton Senna. Quand la voiture finit sa course, on zoome sur la ligne d'arrivée qui est en fait le crampon du Brésilien Pelé. Le footballeur dribble un basketteur, un hockeyeur, un pratiquant de combat, un footballeur américain, un golfeur, un commando et un pilote de F1. Il frappe au but et atteint une cible où il est indiqué EA Games 2055. Le compte à rebours est lancé ce 26 février 2050, ici en direct de Mars, et pour 1781 jours, ce qui correspond au début de la compétition, le 13 janvier 2055. En attendant ces 5 années, nous allons bientôt reprendre la deuxième mi-temps du Mondial 2050. Les joueurs reviennent sur le terrain. Ce sont de véritables gladiateurs. Ils doivent faire une rencontre exceptionnelle. Ils sont obligés, après le magnifique spectacle de la mi-temps, la barre est très haute. Chapitre 38. Marquer les esprits. Après l'énorme show qu'a offert la EA Sports Fédération, les 22 acteurs vont devoir produire un match d'anthologie. Ils ont 45 minutes pour aller chercher le trophée Jules Rimet. Pour la 30e finale, 120 ans après la première du nom, la France peut aller décrocher son deuxième titre mondial après 1998, tout comme la Chine après 2048. Si aucune équipe ne venait à prendre l'avantage, on verra donc une séance de tirs au but. Ce serait la 4e finale qui se terminerait ainsi après 1994, 2006 et 2022. La deuxième mi-temps est à l'avantage de la Chine. Ils font tourner en bourrique les Bleus. Les Français sont épuisés. Les réseaux sociaux demandent aux 4 remplaçants de s'échauffer. Ils sont tous susceptibles d'aller aider les tricolores. Et pourquoi pas devenir le héros de cette rencontre, le premier héros sportif sur la planète Mars. Nous venons de passer l'heure de jeu et peu d'actions concrètes sont à relever. Grid 71 donne les premiers signes de stress pour les supporters français pendant cette seconde période. Sur un centre de Killer Crush 23, il s'élève et reprend le ballon de la tête. Le ballon file droit dans la lucarne, mais un défenseur chinois arrête le ballon de la main. L'arbitre a tout vu et désigne le point de pénalty. À 30 minutes de la fin de la rencontre, les Bleus ont l'occasion de prendre l'avantage. Les réseaux sociaux ont décidé qu'Éric Béhache devait tirer ce ballon décisif. Il pose le ballon avec un sang-froid hallucinant. Il peut marquer l'histoire du football en inscrivant le premier but sur la planète Mars. Un but qui pourrait amener un titre mondial. Il y a une pression énorme sur les épaules d'Éric Béhache. Il a l'air de savoir gérer tout ça. Il s'élance et envoie un véritable boulet de canon. Malheureusement, il lève beaucoup trop son ballon et l'envoie largement hors des cages. C'est une abominable déception pour le tireur, pour son équipe, pour son pays. Heureusement que le dôme est fermé, sinon on aurait été obligé d'aller chercher le ballon sur Jupiter. Il ne faut pas se laisser abattre. Il reste 30 minutes et aucune des deux équipes ne mène. Les sélectionneurs n'ont pas digéré le tir d'Éric Béhache. Ils le font sortir sur le champ. C'est Benoît qui entre à sa place. Il est frais et devient le plus grand espoir français en cette fin de match. Il court de partout, se bat pour avoir le ballon. Un engagement très prononcé, voire même trop. Les Chinois l'ont compris et se jettent au sol au moindre contact. Benoît est averti verbalement par l'homme en noir. Il doit faire attention. Il leur reste 10 minutes pour aller décrocher le titre. Chapitre 39. Le dénouement. Nous sommes à la 91e minute. On se dirige tout droit vers la séance de tir au but, la deuxième de la compétition pour l'équipe de France et l'équipe de Chine. Toutes ces séances ont été de bons souvenirs, car les deux équipes ne se sont pas encore inclinées. L'équipe de France pense notamment à son match d'ouverture face à la Russie, mais également au barrage perdant contre le Canada. Avant de se plonger vers les tirs au but, l'arbitre annonce 3 minutes de temps additionnel. Il en reste donc 2. Benoît a une belle occasion, il est dans le couloir droit. Il a 2 solutions, temporiser ou tenter le coup. Il effectue un long centre qui ne trouve personne. Les défenseurs adverses s'emparent du ballon et mènent une contre-attaque. Un attaquant chinois contrôle le ballon à l'entrée de la surface. Il décroche une frappe venue de nulle part. On ne sait pas d'où elle vient, mais on sait où elle va. Sous la barre de Zumbida. Le portier français est impuissant et voit le cuir frôler sa main. La Chine ouvre le score au pire des moments, à 10 secondes de la fin de la rencontre, en finale de Coupe du Monde. Benoît s'en veut énormément, il aurait dû mieux jouer le coup. Son centre était une catastrophe. C'est celle-ci qui a allumé la mèche pour le but encaissé. Cruelle désillusion pour les Bleus, qui assistent, stériles, à leur 2e défaite dans une finale de Coupe du Monde. La Chine est championne du monde 2050. C'est la première équipe à soulever un trophée sur Mars. L'équipe de France est abattue, mais peut-être fière de son parcours. Venue en touriste pour certains spécialistes, les Bleus ont gâché la petite fête entre riches. Ils se sont même payés le luxe d'aller disputer la première finale sur Mars. Quand la eSports Fédération a imaginé le concept de 2050 sur Mars, ils pensaient à une affiche entre 2 titans du football mondial, les 2 plus grands riches. Au lieu de cela, nous avons eu un combat épique entre David et Goliath. Un peu comme un Calais-Nantes il y a 50 ans. C'est au final le grand qui a gagné. Nul doute que le monde retiendra le parcours tant héroïque qu'étonnant de l'équipe de France. Le président français a tenu à adresser un message de remerciement aux 16 héros français. Leur parcours fut un exemple pour tous ceux qui pensent que certaines situations sont impossibles. Là où certains gagnent grâce à l'argent, ils se sont imposés grâce à leur cœur. Merci à Blanbag, Benoît, Coca, Delpino 50, Deal 48, Eric PH, Faitson, Grid 71, Killer Crush 23, Le Chapeau, Nabir 69, Moon Forever, pour gagner 02, Riti 3402, Wolf 75 et Zamabada d'avoir participé à cette aventure. Chapitre 40. Retour en arrière. Revenons en arrière. La France vient de se qualifier pour la finale du Mondial 2050 sur Mars. Nous avons eu un seul Français malheureux, Faitson. Expulsé lors du match contre le Japon, il ne pourra pas participer à cette grande fête, à un show unique et énorme. Immédiatement, le joueur reçoit un appel sur son portable. C'est le président de la fédération japonaise. Il lui dit que l'invitation est toujours valide. S'il le souhaite, il peut venir faire des essais et, éventuellement, intégrer la soirée de draft pour la Japan Masters League. La joie revient enfin sur son visage. Le téléphone du Français sonne à nouveau, un appel anonyme. Lorsqu'il décroche, il entend des insultes et menaces. Ceci se répète 28 fois en espace d'une heure. Certains pensent que Faitson a fait exprès de se faire expulser lors de la demi-finale pour avantager le Japon et ainsi rejoindre le championnat. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Si on en croit Faitson, son expulsion a été provoquée par un excès de colère lors de son face-à-face avec le défenseur japonais. Il ne voulait pas manquer la finale du Mondial 2050, même pour tout l'or du monde. L'or du monde, justement, il pourra l'empocher en allant rejoindre une énorme franchise japonaise. Peut-on croire en la sincérité du Français quand autant d'argent est en jeu et que le hasard ait si bien fait les choses? L'expulsion aurait-elle été préméditée par Faitson? C'est en tout cas ce que pensent la toile et les supporters français. Ceci avait été provoqué par le tweet d'un ancien consultant sportif. Au milieu des messages de joie, de bonheur, de félicitations qui ont fait transpirer le net après la qualification des Bleus, c'est un ancien animateur radio spécialisé dans le football qui s'interroge sur le comportement de Faitson. Expulsé alors qu'il hésitait à trahir les Bleus, hashtag, y avait un indice, non? Le débat a donc dévié sur cette incompréhension. Très rapidement, le hashtag « mercenaires » est monté en popularité. Certains anciens parlent de Samuel Eto'o, Nicolas Anelka, Florent Thauvin, Hulk, Axel Wistel. L'image du français est égratignée par ses comparaisons, ses soupçons. Tant bien que mal, il n'hésite pas à s'exprimer sur les réseaux sociaux pour féliciter ses coéquipiers. On est en finale, même si je ne vais pas sur Mars, je pense à vous. Alors que les réponses sont violentes, Faitson a trouvé la parade idéale. En 98, vous pensez que Laurent Blanc était payé par les Croates ou les Brésiliens? 0-1, balle au centre. Mais les bad boys du football pourront témoigner, il est très difficile de se défaire de cette mauvaise image. En espérant que Faitson pourra faire taire ses critiques. Le joueur a besoin de repos avant son essai au pays du soleil levant. Il rejoint donc le Japon pour une quinzaine de jours de vacances et il rechaussera les crampons le lendemain de la finale du Mondial 2050.